Chapitre 10e. Jamais M. Denis n'avait trouvé si longue la distance qui sépare Bordeaux de Château-Pignon. À chaque instant, il se penchait en avant, et d'une voix impatiente, il répétait toujours le même mot à son cocher. « Vous ne marchez pas, allez donc, Pierre !» Et alors celui-ci, tournant légèrement la tête, et du haut de son siège, abaissant ses yeux dans la voiture, se demandait d'où pouvait venir un pareil empressement. Puis, pour concilier ce qu'il devait à son maître et ce qu'il devait à ses bêtes, il touchait légèrement ses chevaux du bout de son fouet, tandis que de la main gauche il les retenait. C'était un homme qui avait des principes, faisait tout correctement. Il ne pouvait pas ainsi changer l'allure de ses chevaux. Il ne répliquait pas à M. Denis, car cela n'eût pas été convenable, mais il continuait d'aller du train qu'il croyait devoir aller. Il connaissait son métier, peut-être. À moitié route, à peu près, au haut d'une petite montée, il était d'habitude d'arrêter les chevaux durant quelques minutes pour les laisser souffler. Alors, une vieille femme boiteuse, qui demeurait dans une mauvaise bicoque bâtie sur le bord du chemin, sortait de chez elle et venait tendre la main dans la voiture. Jamais, depuis de longues années, M. Denis n'avait manqué de lui faire l'aumône d'une petite pièce blanche, et quand Mme Denis et Marthe l'accompagnaient, elles joignaient leur offrande à la sienne. C'était de cette petite rente que la pauvre vieille vivait. Ce jour-là, comme tous les jours, les chevaux, fidèles à leur habitude, allaient s'arrêter, mais M. Denis, tiré de ses réflexions par le changement d'allure, se pencha encore en avant et de la même voix impatiente, répéta son même mot « Allez donc, n'arrêtez pas !» Il n'y avait qu'à obéir, et Pierre était trop bien élevé pour raisonner. Mais tout bas, il se dit que si son maître avait des connaissances en affaires, il n'en avait pas en chevaux. Enfin, on arriva à Château-Pignon. Marthe, précisément, se promenait dans cette partie du jardin qui borde de ses taillis le chemin des voitures. En entendant le bruit des roues sur le gravier, l'idée lui vint que c'était Philippe qui arrivait. Pourquoi Philippe, plutôt qu'un autre? Parce qu'elle aimait Philippe et non un autre. Nos pressentiments ne sont-ils pas faits de nos désirs? Philippe était parti depuis bientôt 8 jours. Il avait dû recueillir sur Saint-Austreberthe les renseignements qu'il voulait. Elle allait être débarrassée du vicomte. Ils allaient s'aimer comme autrefois, en attendant le jour où la lettre de Bourbon leur permettrait de s'aimer librement. Elle courut vivement au chemin. La voiture n'était pas encore en vue, mais on l'entendait venir. Au bruit, elle crut reconnaître la voiture de son père, mais c'était impossible. M. Denis ne devait revenir que le dimanche matin, si c'était le vicomte. À cette pensée, elle rentra sous le feuillage. La voiture parut. Ce n'était point Philippe, ce n'était point le vicomte, c'était son père. Elle avait été folle de penser à Philippe. Il ne pouvait pas arriver à pareille heure. Alors, sortant du taillis, elle agita son mouchoir, car la première impression de déception passée, elle était heureuse de revoir son père. Le cocher arrêta ses chevaux. Elle se prépara à monter en voiture. C'était presque comme au temps où, petite fille, elle venait au-devant de son père pour avoir le plaisir de faire un bout de chemin en voiture sur ses genoux. Mais ce fut lui, au contraire, qui descendit. Elle l'embrassa tendrement. « Sais-tu que tu deviens l'homme des surprises ? » dit-elle. « Tu ne devais revenir que demain. » « J'ai à te parler. » Alors elle remarqua sa préoccupation que tout d'abord elle n'avait pas vue. « Philippe a envoyé ses renseignements, » se dit-elle. « Monsieur de Saint-Austreberthe est mort. » Cette idée l'a mis de belle humeur. « Eh bien, parle, » dit-elle. « Je t'écoute en fille soumise. Et si tu me dis que je te renonçais à l'honneur d'être la vicomtesse de Saint-Austreberthe, je te promets de t'obéir sans répliquer, si tu savais comme je serais heureuse. » Elle s'approcha de lui pour lui prendre le bras, mais il la repoussa. « Ce n'est pas de M. de Saint-Austreberthe qu'il est question, c'est de M. R.M. » À la façon de M. Denis prononça M. R.M., Marthe comprit que le moment décisif était arrivé. Son père savait tout. Mais cette pensée ne l'épouvanta point. Tant mieux, au surplus. Elle ne pouvait plus s'enfermer dans le silence qui l'étouffait et l'humiliait. Elle avait honte de ne pas tout dire à son père. Si l'heure était venue de parler, c'était bien. Elle lutterait ouvertement. M. Denis s'arrêta et le regarda en face. « Est-ce vrai que M. R.M. a de l'amour pour toi ?» Elle attendait cette question. Cependant, elle en fut troublée jusqu'au plus profond de l'âme et un flot de sang empourpra son visage. Pourquoi son père la regardait-il? Pourquoi ne lui faisait-il pas la grâce de baisser les yeux? « Tu ne réponds pas, » dit-il d'une voix qui se fâchait. « C'est vrai, » dit-elle à voix basse. « Vrai, c'est vrai, il a osé. Tu sais qu'il t'aime, il te l'a dit. Il me l'a dit. Et toi ?» « Moi, je l'aime. » Elle dit ces 3 mots d'une voix presque ferme et la tête levée. Mais devant le regard de son père, elle l'abaissa. Il était si irrité, ce regard, ordinairement si doux et caressant, il était si plein de colère et de menaces qu'elle eut peur. « Cher papa, » dit-elle, « laisse-moi, ne me parle pas. Ne vois-tu pas que je me fais violence pour ne pas me laisser emporter? Marche près de moi, je te parlerai tout à l'heure. » Jamais elle n'avait vu son père dans cet état de fureur. Ses lèvres s'agitaient sans former des mots suivis. « ma fille, » disait-il. Mais ces paroles, les seules intelligibles, n'avaient rien de tendre. C'étaient plutôt des exclamations d'étonnement et d'indignation. Ils marchèrent ainsi durant quelques minutes, puis M. Denis s'arrêta. « Maintenant, il faut me raconter comment cet amour s'est formé, et il faut le faire franchement, sans détour, sans mensonge. Oh père, est-ce que je t'ai jamais trompé ? Je te croyais incapable de tromper, maintenant, tout est possible, parle et ne cache rien. » Quand M. R.M. a commencé à venir régulièrement ici, je n'ai pas fait attention à lui plus qu'aux autres personnes que tu reçois. C'est seulement à la longue qu'il m'a paru être au-dessus des autres. Tu avais plaisir à t'entretenir avec lui. Quand il était parti, tu faisais sans cesse son éloge. Il était bon pour toi, plein de respect, de prévenance. Et puis, il parlait de sa mère avec une tendresse qui touchait le cœur. Il me plut, et quand je trouvais ses yeux attachés sur les miens, cela me rendait heureuse. Mais je ne croyais pas qu'il m'aimât. Et je ne me disais pas que je l'aimais. Je ne pensais pas à cela. Seulement, j'avais plaisir à le voir arriver et plaisir aussi à voir que tu cherchais à te trouver avec lui. Tu dois te souvenir des soirées que nous avons passées tous les trois. Vous parliez des travaux de la Gironde. Je vous écoutais. Il spéculait sur ma préoccupation pour s'approcher de toi. Pendant que je lui expliquais mes idées, il te regardait, il te parlait sans doute. C'est plus tard qu'il m'a parlé. Un jour, il m'a dit qu'il m'aimait et il a compris que je l'aimais. M. Denis s'arrêta et, prenant sa fille par le bras, il la fit se tourner vers lui de manière à la voir en pleine figure. Durant quelques secondes, il la regarda longuement, puis lui abandonna le bras. « Et alors, » dit-il, « au lieu de venir me demander ta main, il a continué à se faire aimer de toi. » Il voulait adresser cette demande, mais comme il connaissait tes idées, il a eu peur, lui qui était sans fortune et sans position, d'être refusé. Alors sa mère est partie pour Bourbon, pour tâcher de sauver la fortune de son oncle, qui est considérable. Une fois maître de cette fortune, Philippe devait te parler. D'un moment à l'autre, nous attendons une lettre qui doit nous annoncer que Philippe est l'héritier de son oncle. Voilà la vérité, toute la vérité. La vérité pour toi peut-être, car j'espère que dans ta faute, tu n'as pas perdu le respect de toi-même, ta franchise et ta sincérité d'enfant. Mais ce n'est pas la vérité pour moi. Monsieur R.M., qui poursuit la fortune de son oncle à Bourbon, poursuit la mienne à Bordeaux. Par l'une, il espère gagner l'autre, et voilà pourquoi il a trouvé avantageux de te séduire. Oh, père ! Et de quel autre mot veux-tu que j'appelle sa façon d'agir ? Il s'est introduit près de nous adroitement. Il a flatté mes idées. Pendant que je l'écoutais, il s'est fait aimer de toi, espérant nous mettre dans une situation où il ne serait impossible de le refuser. Cela est d'un lâche et d'un voleur. Après avoir spéculé sur ma faiblesse, il a spéculé sur ta jeunesse et ton innocence. Père, je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas, tu ne peux pas l'aimer. Qu'a-t-il pour te plaire? A-t-il de la jeunesse, de l'élan, de la générosité? N'est-il pas au contraire toujours roide, mécontent, prêt à juger tout le monde du haut de sa supériorité et de son honnêteté? Sais-tu ce qu'il a fait, ce héros d'amour, au moment où tu es demandé en mariage par un rival? Au lieu de rester ici pour te défendre bravement, il est à Paris, où il tâche de mettre en jeu des moyens adroits pour combattre ce rival sans s'exposer. Ce matin, j'ai reçu une lettre de lui, pleine d'insinuations contre M. de Saint-Austrebert. Il m'annonce des choses terribles, mais il se garde bien de les préciser. C'est moi qui l'ai envoyé à Paris. Je ne voulais pas qu'il restait exposé à une provocation de M. de Saint-Austrebert. Et je voulais en même temps qu'il te fît connaître celui-ci. S'il y a un coupable, c'est moi, ce n'est pas lui. Que tu sois coupable, cela est malheureusement vrai. Mais le principal, le grand coupable, l'initiateur du mal, c'est lui. C'est lui qui a profité de mon amitié pour te tromper et prendre ton cœur. Est-ce que s'il avait été un homme loyal, n'ayant que des intentions loyales et droites, il n'aurait pas commencé par s'adresser à moi le jour où il a senti qu'il t'aimait? Est-ce que l'amitié que je lui témoignais ne lui rendait pas cette démarche plus facile qu'à tout autre? Ce n'est pas ce qu'il a fait. Il savait que je le refuserais. Il a voulu forcer son mariage en te séduisant. Il ne sera jamais ton mari. Ne dis pas cela, je t'en supplie. Nous avons été coupables, cela est vrai, mais pas autant que tu le crois. Je t'expliquerai. Mais malheureux enfant, ton aveuglement aggrave sa faute et me prouve toute l'habileté de son calcul. Tu vois bien que tu le défends parce que tu es trompé. Je le défends parce que je l'aime. » Ce mot ainsi répété fit perdre à M. Denis la contrainte qu'il s'imposait à grand-peine. « Ne dis pas que tu l'aimes » s'écria-t-il avec violence. « Car il ne sera jamais ton mari et tu ne le reverras jamais. Je le chasse d'ici comme un misérable et un voleur. » »« Tu peux le chasser. Tu ne peux pas m'empêcher de l'aimer. » « C'est un soin dont se chargera M. de Saint-Ostrebert, car c'est lui qui sera ton mari, et il saura bien te garder contre les entreprises de M. R.M. » Ils étaient arrivés au château, tandis que M. Denis entrait au salon, Marthe monta sa chambre, bouleversée et perdue.